Congolan Bemba, racontez-nous un peu comment vous avez fait pour convaincre la grande maison Disco Hit à soutenir la production de votre premier album. Non. C'est plutôt le contraire. C'est Disco Hit qui nous ont suppliés car ils ont été séduits par nos charmes artistiques. D'ailleurs, je ne parle pas beaucoup. Je suis le fils de Mboula Matari.